Portrait d'assaut sur Fadjet. Le RENEA, c'est un réseau pour les femmes qui entreprennent. Une mission, aider à développer une activité, gagner en confiance et en visibilité. Pour nous en parler, nous accueillons en studio Nancy, bonjour. Bonjour Yves. C'est vous qui avez lancé ce réseau il y a très peu de temps. Nous accueillons également Carole et Aude, bonjour à toutes les deux. Bonjour Yves. Bonjour Yves. Et vous avez rejoint ce réseau il y a peu aussi. Exactement, oui. Ce réseau, le RENEA, Nancy, comment est-il né ? Au départ, nous étions deux. L'autre, elle était déjà installée. C'était une graphiste également. Nous nous sommes rendus compte que être entrepreneur seul, c'était vraiment le parcours du combattant. Donc, nous avons décidé de créer ce réseau, de pouvoir s'entraider, se soutenir et partager des informations et avancer ensemble. Et par la suite, cette autre personne, pour des raisons personnelles, a décidé de sortir du réseau parce qu'elle donnait une nouvelle voie à sa carrière professionnelle. Mmh. Et j'ai décidé de continuer l'aventure et d'autres personnes m'ont rejoint. Voilà, vous êtes presque 70 aujourd'hui, je crois, vous me disiez. Alors que ce réseau, il est né déjà un petit peu en 2024, il s'est concrétisé encore plus en 2025, c'est ça ? Oui, un an juste. Après, nous avions commencé le réseau en novembre 2024 et en 2025, nous étions immatriculés auprès de la préfecture. Voilà, une association qui a déjà bien grandi. Deux personnes qui ont rejoint cette association, il y a Carole et Aude. Carole, votre activité à vous, c'est quoi ? Alors, moi, je suis praticienne en massage bien-être et j'anime également des ateliers des arts traditionnels chinois et notamment autour de la médecine chinoise. Et Aude ? Moi, je suis graphiste freelance depuis maintenant 4 ans. Donc, j'accompagne les entrepreneurs, je co-construis avec eux leur image et que ça rende une image unique qui est la leur. Deux profils très différents. Il y a quel autre type d'activité ? Il y a d'autres activités qui concernent le bien-être. Nous avons également... de la communication, oui. On peut avoir aussi dans le domaine de l'IA aussi. Mm-hmm. La cosmétique. La cosmétique aussi, oui. Juridique. Patrimoine. Ça. C'est vraiment très, très varié, en fait. Et puis, ça peut être autant des entrepreneurs qui sont en pleine création que des entrepreneurs déjà immatriculés. Quand vous avez lancé ce réseau, d'autres réseaux existaient déjà ou vous n'avez pas trouvé quelque chose qui vous correspondait, qui correspondait aux attentes des personnes qui vous ont rejoint aussi dans le réseau ? Si, il y avait d'autres réseaux. Hein. Je m'étais renseignée, je fréquentais des entrepreneuses et je voulais commencer par là, par des personnes que je connaissais déjà. Parce que je n'avais pas envie d'entrer dans un réseau très grand où je serais noyée dans la masse. J'avais vraiment besoin de contacts physiques avec des personnes qui partageaient les mêmes problèmes que les miens. Des personnes avec qui je pouvais avancer. Des personnes qui avaient besoin également de moi pour avancer. C'est vraiment une aventure humaine. Hein. C'est un réseau d'entraide, c'est un réseau solidaire. Et nous comptons sur les capacités et les compétences des unes et des autres. Aude, vous avez connu comment ce réseau ? C'est par l'intermédiaire d'une de mes meilleures amies, qui était déjà dans le réseau, qui s'appelle Coralie, qui elle est le UJE, éducatrice de jeunes enfants. Et on se connaît depuis une quinzaine d'années, et elle m'a parlé de ce réseau. Elle m'a dit, ah, c'est super, tu verras, enfin voilà, c'est vraiment l'esprit solidaire, on s'entraide. C'est vraiment quelque chose que je cherchais. Moi, à la base, je suis quelqu'un de très humain dans l'humain. J'ai ces valeurs-là, et je l'ai retrouvé justement dans ce réseau. J'ai bien apprécié les valeurs, ce qui émanait en fait de ce réseau, donc je suis restée. Et puis, en parallèle, comme disait Nancy, on s'entraide, on essaie d'animer des ateliers, essayer de d'apporter des choses aussi entre nous. Ce côté un peu sororité finalement, mais je dirais surtout humain. En fait. Voilà, on va revenir sur les ateliers après. Carole, vous l'avez connu comment ce réseau ? Alors. Et qu'est-ce que vous y avez trouvé que vous recherchiez ? Moi, j'ai connu le réseau par également quelqu'un qui était déjà dans le réseau, Marie-Lucie Fernin. Elle m'a parlé du réseau et elle savait que je démarrais, c'était récent, septembre 2025. Je m'étais adressée à un ou deux réseaux, mais il s'avère que j'ai une activité qui existait déjà dans ces réseaux. Donc, c'était pas forcément ouvert pour moi, ces réseaux existants. Donc, quand Marie-Lucie m'a présenté Lorena, j'ai vraiment été accueillie. Il n'y a pas de concurrence entre nous, puisqu'il y a d'autres personnes qui exercent des activités similaires aux miennes, sauf que chacune d'entre nous, on a notre particularité, notre singularité. On va attirer certains types de publics, l'une et l'autre. Et du coup, on est plutôt copartenaires, on échange et on n'est pas dans une stratégie, effectivement, de concurrence. Et ça, vraiment, au niveau de Lorena, ça a été quelque chose de fort, d'important, surtout quand vous démarrez et que, comme le dit Nancy, on est seul. Surtout que moi, j'ai démarré après toute une carrière de salarié, donc je connaissais plutôt l'entreprise, mais versus salarié, et les équipes, etc. L'entrepreneuriat, c'est une autre histoire. Quand on parle d'entrepreneuriat, on voit tout de suite une grosse machine qui peut vraiment impressionner, faire peur, et il y a toutes les difficultés qui sont liées à cette création d'entreprise. Vous humanisez un peu toute cette période un peu de questionnement et en passant par le réseau? Oui, tout à fait. En fait, nous nous basons sur l'expérience des personnes qui sont déjà beaucoup plus avancées que nous. C'est vrai que nous allons chercher l'information de manière individuelle, mais ensuite, pour la mettre en commun, grâce à ce partage, les autres peuvent avancer. On essaye d'avancer au même rythme. Les difficultés que les personnes qui arrivent dans le réseau sont à peu près les mêmes? Elles peuvent être différentes, mais en général, on arrive à trouver une solution parce qu'on est vraiment dans la dynamique d'entraide. Donc, moi, si je ne suis pas concernée par le problème de Carole, je chercherai quand même l'information pour pouvoir la lui transmettre. Aude peut avoir des connaissances, des contacts qui pourraient apporter une solution. C'est pareil, elle apporterait sa contribution. Je pense que pour répondre à votre question aussi, c'est souvent les problèmes des entrepreneurs. Une des choses, d'ailleurs, on est intervenu auprès du CMA Grand Est, qui justement voulait qu'on intervienne pour valoriser le réseau. C'est-à-dire parler du réseau, l'importance d'être dans un réseau. Parce que justement, la plupart des entrepreneurs, quand ils commencent, ils sont un peu lâchés dans la nature et ils ne savent pas par où commencer. Donc, on leur disait justement, quand on est intervenu avec Nancy, c'est hyper important, le réseau. Déjà, rien que par le fait de la solitude, en fait. Parce que dès qu'on est lancé comme ça, en fait, on se sent seul. Il y a une solitude et souvent, c'est ce qui a été annoncé, en fait, par les apprenants. Ils disaient, ouais, je me sens seul et j'appréhende un petit peu. J'appréhende aussi d'aller voir, vraiment de m'entourer de certaines personnes. Ils ne savent même pas, d'ailleurs, qu'ils peuvent être entourés des fois. Ils ne savent pas forcément qu'il y a des réseaux comme ça qui existent. Pour moi, la problématique, elle est... En tout cas, celle qu'on a souvent entendue, ça a été le côté solitude. Et pour ma part, ça a été ça aussi. Vous avez dit que vous êtes intervenu au CMA, c'est la Chambre des métiers. Chambre des métiers du Grand Est, oui. Voilà. La vie de l'association Lorena, comment elle se concrétise? Parce que là, on l'a dit, il y a à peu près 70 femmes dans le réseau. Vous avez parlé d'ateliers tout à l'heure. Pouvez-vous nous expliquer un peu? Oui, nous avons des ateliers. Nous avons décidé de nous limiter à 4 ateliers par mois. Parce que chacune de nous a ses activités, doit faire avancer son entreprise. Nous avons une réunion virtuelle, ce qu'on appelle l'apéro virtuel. C'est une rencontre mensuelle dans laquelle nous accueillons les nouvelles arrivées. Mais également, nous faisons le point sur toutes les activités qui se sont passées le mois précédent. Ensuite, nous partageons notre point de vue sur diverses choses. Et c'est une occasion de parler, de communiquer. Cela ne veut pas dire qu'en dehors des ateliers, les membres ne se rencontrent pas. Au contraire, elles ont l'occasion de faire des choses ensemble. Tout à l'heure, on parlait des ressources qu'elles peuvent bénéficier des unes des autres. J'ai deux exemples en tête. Il y a Prisca qui, grâce à une information qu'elle a eue dans le réseau, elle a pu intégrer un accompagnement BGE. On a eu aussi Laurence qui, elle, toujours par le biais du réseau, a eu une information qui lui a permis de bénéficier de la certification Calliope. C'est pour dire qu'on se voit pendant les ateliers, mais on se voit également en dehors des ateliers. On peut prendre un verre ensemble ou alors participer à des after-work qui sont organisées par d'autres structures. Nous avons décidé de rester liés, de faire de l'Orénéa une famille. Voilà, une sororité, voilà. Ce terme aussi qui était revenu tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pourriez dire? Vous avez dit que c'était beaucoup le bouche à oreille qui faisait qu'on intégrait le réseau. Pour quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, qui découvre votre association, qu'est-ce que vous pourriez lui dire? Qu'elle vienne comme elle est. Pour reprendre le slogan d'une certaine enseigne, nous accueillons les femmes qui sont en processus de création d'entreprise. Nous accueillons les femmes qui sont déjà installées, que ce soit nouveau ou ancien. Nous accueillons aussi les personnes qui sont en reconversion professionnelle. Elles sont vraiment bienvenues. Pour l'adhésion, c'est 10 euros par an. Parce que nous ne voulons pas fermer la porte à celles qui n'auraient pas les moyens d'intégrer un réseau beaucoup plus onéreux. Elles sont les bienvenues. Et si on veut vous contacter, alors oui, comment on fait? Il y a un site internet, oui. C'est Lorénéa, alors on va expliquer, c'est L-O-R-A-I-N-E-A. Oui. .fr. Effectivement, nous avons une page de contact. C'est beaucoup plus facile de nous contacter par ce biais. Nous avons un groupe WhatsApp et je crois que le lien est mentionné sur le site. Mentionné sur d'autres réseaux, style LinkedIn ou... Nous avons un réseau LinkedIn, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur Facebook. Il nous arrive de partager certaines choses sur TikTok. Parfait, donc on vous trouve très facilement. Oui. Très bien. Carole, un mot peut-être pour donner envie à une autre femme qui se pose des questions, qui entame déjà un processus de création d'entreprise pour l'inviter à vous rejoindre. Déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un réseau qui est très ouvert, accueillant et ensuite qui nous permet vraiment d'avancer. Moi, par exemple, j'étais un peu timide au départ pour me faire connaître. Et puis, petit à petit, sur le réseau, j'ai découvert qu'il existait des ateliers soit portés par Lorénéa, soit des événementiels ouverts à d'autres. Mais c'est grâce au réseau que je les ai connus. Et par exemple, c'est comme ça que je me lance ce week-end pour participer au Salon du Bien-être qui se déroule à Saint-Max. C'est la première fois que je vais participer à un salon, mais c'est vraiment grâce à Lorénéa. Je ne suis pas seule, on sera au minimum deux à participer et c'est vrai que quand c'est une première, eh bien, c'est vraiment porteur de pouvoir démarrer à deux plutôt que toute seule. Voilà, on parlait de gagner en confiance, oui. C'est un bel exemple. Aude, vous êtes graphiste freelance, quel message vous pourriez faire passer? Je dirais, d'autant plus dans mon métier, on a tendance quand même à être assez isolé et peut-être dans d'autres métiers très certainement, je dirais vraiment... Lancez-vous, ouvrez les portes, parce que clairement, on en a besoin. En tant qu'entrepreneur, on veut tout faire tout seul, parce qu'on se dit qu'il n'y a que ça comme solution, mais clairement, le réseau, ça apporte beaucoup, que ce soit en termes de clients, mais pas seulement. C'est aussi le côté humain, le partage, les échanges. Ça, c'est la chose la plus valorisante qui soit, parce que derrière, c'est porteur de plein d'opportunités, en fait, finalement. Le réseau, ça apporte des opportunités, ça apporte du bien-être, ça apporte une richesse qu'on peut soit apporter soit aux autres, mais inversement, qui nous apporte aussi. Donc, c'est revigorant, c'est une énergie qui est très particulière et qu'on peut pas faire tout seul, en fait, dans son coin. On peut faire des choses seul, évidemment, qu'il y a des choses où on ne peut pas toujours être accompagné. Mais il y a pas mal de choses quand même où on peut être guidé, orienté. Les choix, ce sera toujours nous, en tant qu'entrepreneur. On sera seul face à ces choix, mais on peut en parler. Et c'est ça qui est important, je pense. Donc c'est pour ça que je recommande vivement de venir dans un réseau, quel qu'il soit. Et on vous souhaite énormément de réussite pour la suite. Oui. Nancy, le dernier mot? Eh bien, notre mantra, seul, on va vite. Ensemble, on va plus loin. Merci à toutes les trois. Merci. Merci. C'était Portrait d'assaut sur Fadjet. Pour y participer, écrivez-nous à contact@fadjet.net.